logique d'insister sur des grilles de lecture, et en particulier, moi je retiens un grille de lecture, grille d'analyse. Selon moi, ce terme de grille de lecture est peut-être, d'un point de vue méthodologique, un des premiers points sur lesquels on peut réfléchir et lancer la discussion, parce que qu'est-ce que c'est une grille de lecture? Je trouve que finalement, d'une certaine manière, tu nous as présenté deux grilles de lecture. La première, qui était plutôt extraite de la fiche PDF que tu nous as montrée, qui était une sorte de grille de lecture finalement basée sur le concours éco-quartier, qui était finalement une manière d'analyser des objets concrets qui sont les caractéristiques des éco-quartiers, mais qui était une grille de lecture que j'allais dire qui était assez orientée objet. Et puis, dans la deuxième partie, tu as insisté sur une grille d'analyse qui était beaucoup plus, finalement, une proposition méthodologique et conceptuelle pour aborder la thématique. Et donc, on est beaucoup moins dans la recherche d'objets préconçus, prédéfinis, qu'on irait chercher à travers les entretiens, que plutôt à travers le recueil d'informations pratiques, d'informations sur le déroulé de projet et d'élaboration, de la planification, qui nous propose finalement des objets intellectuels à identifier. Mais on n'est pas dans de la recherche d'informations très ponctuelles, très. Ouais, c'est un des points qui me paraît déjà intéressant à faire ressortir. Oui, c'est peut-être un peu c'est l'idée aussi de la première partie de la présentation. Enfin, dans le sens, comme je disais au début, je débarque sur le sujet, même si on a tous lu et pensé des choses, mais comment traduire en projet de recherche, finalement, je ne suis pas informé jusque-là sur comment faire du développement durable du sujet de recherche. Enfin, dans le sens, il faut passer par cette première phase d'observation, concrètement, qu'est-ce que c'est finalement l'urbanisme durable, ce qui sépare les deux. Et après, en effet, la question maintenant qu'on a plus ou moins vu, et au fait, on fait un peu le choix, et c'est ça que c'est l'intention de dire, on va pas cette question là c'est pas, on va pas l'étudier, pas vraiment étudier nous-mêmes ce que c'est l'urbanisme durable. On définit d'une certaine façon à partir des choses qui ont déjà été faites, et la question qu'on se pose porte sur la façon dont ça. J'ai un peu l'impression que ce moment on est un peu en train de réitérer de multiplier les visites au quartier Gauban, et puis on bloque un peu à partir de là. Donc je pense que le champ de recherche est un peu au-delà, et ça c'est à construire. Ben, c'est là où les théories peuvent être des outils, peuvent offrir des outils. J'ai une deuxième remarque qui porte sur, on va dire que c'est peut-être une question un peu de géographe, mais qui est finalement une remarque sur le rapport entre l'éco-quartier et son contexte. Donc tu envisages en particulier, semble-t-il, comme une démarche de partir de cas de ville où il y a eu des expériences d'éco-quartier, plusieurs expériences d'éco-quartier plus ou moins réussies, selon ce que tu nous as dit au départ, en voyant la manière dont, au niveau d'une ville, cette expérience conduit les acteurs à modifier un certain nombre de leurs comportements par des processus d'apprentissage, etc. Et donc, ce qui est là où on pourrait se poser une question un peu étonnée, c'est finalement tous ces acteurs ne fonctionnent pas en vase clos, et il n'y a pas simplement une expérience au sein d'une ville même, mais il y a aussi des circulations d'expériences, des apprentissages et des effets d'injonction par la réglementation, par exemple, qui ne passent pas par le cadre local, mais qui passent éventuellement par un cadre national ou éventuellement même au niveau européen. Et donc, ça c'est peut-être... Alors moi, ça me fait réagir particulièrement parce qu'actuellement, je suis sollicité par des collègues, notamment Pierre-Arnaud Bartel, qui est donc au départ qui a travaillé sur Nantes et qui a travaillé sur justement ses expériences, ses premières expériences des beaux quartiers à Nantes, et qui aujourd'hui se trouve en Égypte, dans un centre de recherche en Égypte, et qui réfléchit à un réseau méditerranéen sur l'adaptation du développement durable, et en particulier des écoquartiers, dans un certain nombre de projets urbains sud-méditerranéens. Et donc, cette question-là de l'échelle de la circulation et de l'échelle de la réplicabilité des opérations, c'est une question importante, parce que comment tu changes de contexte culturel, comment, quels sont les acteurs, quelles sont les voies du changement, de la diffusion, mais aussi sur place, comment une première expérience dans un contexte qui est toujours singulier va pouvoir éventuellement être répliquée, appropriée, au contraire va susciter des résistances. Tu vois, je crois que cette question-là de échelle des circulations est peut-être une question à poser aussi. Ouais. Et là, c'est vrai. Et j'avais même pas encore pensé comme ça, trop, mais moi, je me posais en réfléchissant un peu à cette notion d'apprentissage. Et je suis très dans une logique où, par du projet, et puis l'apprentissage concerne des acteurs qui sont impliqués dans des projets. Et comment ça se. Il y a peut-être à côté de l'apprentissage aussi une question de diffusion ou à traiter. Je ne sais pas quand on parle. C'est un peu parti pris de dire ça me semble intéressant d'entrer par le bas et de ne pas faire. Pas essayer de développer dans le haut une espèce de. Voilà ce que c'est. Ce que fait un peu l'ADEME, une espèce de référentiel éco. Durable et essayer de à partir d'une réflexion globale d'aborder la production durable de la ville. On s'est dit c'est un parti pris, on peut le prendre par le bas et voir ce que nous apprennent les projets pour qu'ils soient plus ou moins réussis. Comment ils contribuent à la valorisation. Mais en effet, ton sujet il est entier, il faut qu'on trouve moyen de peut-être aussi. Non, je pense qu'il faut prendre le parti pris, mais il faut se prémunir contre l'autre. Ouais. C'est-à-dire, c'est le parti pris. On pourrait complètement traiter la question de l'expertise transnationale et des réseaux d'expérience. Mais c'est une deuxième, à mon avis, c'est une autre question. Parce que traiter les deux, c'est à mon avis, c'est perdre la richesse de l'intérêt de voir comment localement il y a de l'apprentissage. Ouais. Et ce serait intéressant parce qu'il y a des gens avec qui travailler là-dessus. Du côté de Renaud Père, par exemple. Parce que c'est sa spécialité, c'est les réseaux d'experts transnationaux. Mais à mon avis, dans un deuxième temps, je pense que justement, c'est peut-être pas là où on est forcément les meilleurs. Il y a des gens qui sont peut-être meilleurs que nous. Il y a des historiens qui ont des choses intéressantes, qui ont mobilisé beaucoup de choses autour de ça. Je trouve que c'est. Mais par contre, je crois qu'il faut te prémunir dans le projet en disant c'est un point important et qui n'est pas l'objet de la recherche, il me semble. Mais la question, c'est peut-être, parce qu'à l'effet, quand on va questionner les gens pour voir comment ils se positionnent maintenant par rapport à la production durable de la vie, ils vont peut-être avoir des réflexions oui, dans ces projets-là, on a fait ça, mais en même temps, ils vont sans doute aussi dire je sais pas, on a été à un colloque à Paris, je sais pas, où on a fait des visites non, mais c'est sûr, ils l'auront tous fait. La question, c'est est-ce que ça joue un rôle dans l'apprentissage ou pas? C'est ça, tu peux le prendre que sous cet angle-là. Voilà, parce que autrement, tu changes le sujet. Et tu ouvres un truc qui est intéressant, mais qui est. Ouais. Mais par contre, ça implique peut-être des choix en termes de stratégie de recherche. Enfin, le fait qu'il y ait un particulier local, ça suppose peut-être d'avoir un ciblage, d'aller voir des gens qui vont intervenir particulièrement sur une ville, enfin, sur le niveau des opérateurs. bon, ça implique des choses particulières, quoi, le fait d'avoir ce regard. Oui, mais en même temps, encore une fois, c'est peut-être vrai, mais ce serait dommage aussi, parce que c'est peut-être justement par le fait qu'il y a une, je sais pas, une, développeur, un promoteur néerlandais qui vient à Nantes, qui a une nouvelle façon de faire, qui justement qui n'agit pas localement, et qui amène dans cette ville ou dans ce projet une autre façon de faire. Je ne sais pas si on peut faire ça, quoi. Enfin, si je comprends ton remarque, on peut dire qu'on peut se concentrer donc sur les. Sur la, local, maintenant, dans la production de la ville. Je ne pense pas que c'est la justice à la façon dont est produit actuellement la ville. Il y a ce brassage, de toute façon, il a lieu, il y a des architectes qui mettent des producteurs qui sont internationaux aussi. Oui, mais plus si la question, c'est l'effet d'un écoquartier dans une ville en particulier sur les formes particulières de produire la ville, une ville en particulier, ça implique ça, non, enfin, d'être centré sur des réseaux pour une existence essentiellement locale, enfin, je ne sais pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il y a aussi une autre notion dont tu devrais te prémunir, mais en même temps que tu es obligé d'intégrer, sur lequel tu es un petit peu passé dans tes grilles de lecture. Ouais, enfin, je veux dire, en t'entendant, il y a un truc qui... sur lequel je pense qu'il faut que tu te positionnes aussi. C'est la question de l'innovation. Parce que tu poses la question de l'apprentissage, mais sans parler de la question de l'innovation avant. Or, comme tu dis, on passait de l'exemplaire au banal, c'est aussi qu'il ne peut pas passer de l'innovation, même si ce n'est pas forcément l'exemplaire, mais pas forcément innovant. Mais dans les éco-quartiers, on est plutôt dans l'ordre de l'innovation. Si on reprend, si tu veux, ton schéma du projet urbain, voilà. On peut peut-être dire, on peut confondre, on peut dire, la question de l'expertise, la question de la circulation des modèles, de l'expertise transnationale, ce qui a été évoqué par Eric. Disons que c'est un vecteur d'innovation. On va déjà faire une réduction. Ce vecteur d'innovation, alors, donc où est-ce qu'il est la question? En fait, l'innovation. Non, c'est l'élément de contexte. Dans ce schéma-là, c'est l'élément de contexte qui influence le comportement des acteurs et les stratégies qu'ils formulent, les activités qu'ils développent. Voilà. Et c'est là où moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que je pense que tu dois justement avoir un jeu d'hypothèse là-dessus. Oui. Et que ton schéma permet parfaitement de poser. Parce que, bon. L'idée, c'est pas faire de la sociologie d'innovation, parce que tu fais déjà la sociologie des organisations, donc ça fait pas non plus. Mais quelque part, dans Crozier ou dans l'apprentissage, il y avait quelque part l'idée qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'introduit pour créer l'apprentissage. Mais d'accord. T'es bien obligé de l'amener quelque part de dire. Ouais. La question, c'est où est-ce que tu le mets. Donc, tu peux dire c'est les nouveaux enjeux. Mais si tu dis ça, à mon avis, je suis pas sûr que tu couvres la réalité de la façon dont ça se passe. Toi-même, tu l'as dit, ça peut être de nouveaux acteurs. Ouais. Donc, c'est une première hypothèse. Qui arrive à un autre endroit. Qui arrive à un endroit et qui vient avec des objectifs nouveaux. Ça peut être de nouveaux objectifs. C'est-à-dire, c'est pas forcément de nouveaux acteurs, mais ils ont de nouveaux objectifs. Ça, c'est sans doute le cas de figure le plus classique. Et ces nouveaux objectifs, ils répondent pas forcément mécaniquement aux stimuli du contexte. Ils peuvent aussi avoir une origine de positionnement, de compétitivité, de... Tu vois ce que je veux dire? Oui. Bon. Ça change quand même, parce que c'est pas tout à fait... Donc, la flèche... Donc, du coup, ça peut être aussi, dans les études de cas que tu vas avoir, de nouvelles activités. C'est-à-dire, en fait, plus exactement, de nouveaux procédés. Des nouvelles structures, je suis pas sûr. Je ne risque pas d'en avoir trop. Et des nouvelles positions déterminées par le pouvoir attribué par la structure, je ne suis pas sûr non plus, mais c'est à voir. On est plus du côté des approches à la manière arabe ou des choses comme ça. Là, ouais. Mais déjà, si tu dis l'innovation est en soi par les objectifs, on va dire, les acteurs, bah, peut-être que tu ne vas pas en avoir des masses. Soit c'est les objectifs, soit c'est les procédés. Parce que des fois, c'est simplement, on va apporter des procédés, parce qu'on trouve que ça fait bien. Mais, j'allais dire, si tu veux, les objectifs, bon, ils sont effectivement revisités, mais finalement, ce qu'on veut, c'est Si on veut du faire du solaire et on veut faire de la qualité environnementale. La plupart du temps, c'est comme ça. Donc, du coup, ça crée une tension avec des acteurs qui ne sont pas forcément aptes à porter ces procédés ou à les intégrer dans leurs objectifs. Et ça crée une tension avec la structure qui n'est pas forcément porteuse. Qui ne permet pas forcément de. Ou alors, si c'est des nouveaux objectifs, peut très bien ne pas avoir la capacité de produire les nouveaux procédés. Enfin, tu vois, ça crée des tensions. Donc, c'est où s'introduit l'innovation, où ça crée des tensions et où ça nécessite un apprentissage collectif. Dans ton schéma, c'est assez facile en fait de le faire. Et ça permet de résoudre la question de l'innovation, parce qu'autrement, on se la renvoyait un peu dans les dents. C'est aussi un moment. Disons que ça te met, en fait, l'innovation, ça te met en tension ton truc qui est un peu statique. Ouais. Et là, du coup, ça met des flèches en tension. C'est-à-dire une tension, un déséquilibre. Parce qu'à un moment donné, nouveaux acteurs, nouveaux objectifs, nouveaux procédés, et donc ça crée une tension sur des routines existantes. Grosso modo, l'apprentissage, c'est partir d'une routine pour arriver à une nouvelle routine, en fait. C'est ça qui est intéressant dans l'apprentissage, c'est que c'est l'inverse de ce sujet d'innovation. C'est comment tu digères l'innovation, alors qu'en général, le sujet d'innovation, c'est comment l'innovation se propage. C'est pas du tout le temps. Donc moi, je trouve que l'histoire de travailler sur l'apprentissage est super intéressante, parce que on est beaucoup plus tendu à travailler sur l'innovation, on travaille beaucoup plus sur l'innovation, à mon avis. On ne voit pas comment c'est mis en œuvre, comment ça. Ouais. La mise en œuvre, ça devient des routines. Et ça, c'est quand même super intéressant si les éducateurs sont assez mûrs pour, évidemment, pour le montrer. Mais à mon avis, oui, parce que. C'est pour ça qu'on se dit qu'il faut choisir les villes, parce qu'en effet, ils ne sont pas tous mûrs, sans doute, mais je pense qu'il y a des villes où oui, c'est suffisamment mûr, des réflexions sur ce sujet, ça fait quand même. Ouais. Sans compter que du point de vue des procédés, tu peux avoir des procédés qui sont déjà expérimentés depuis vachement longtemps, des procédés en matière d'eau, des trucs comme ça, peuvent être expérimentés, par exemple à Lyon. Ouais. Tout ce qui est autour de la gestion, la récupération des eaux de pluie, tout ça, etc., ça fait 30 ans. Voilà. Donc par contre, ça restait un peu sectoriel, maintenant c'est introduit dans une démarche de projet urbain. Donc là, ça crée une tension, c'est des procédés qui intègre une nouvelle structure, voilà. Tu vois, de gestion intégrée, donc c'est assez intéressant. Mais en tout cas, nouveaux objectifs, nouveaux procédés, moi, à mon avis, ça me paraît de façon. Quand tu dis nouveaux procédés, précisément, comme tu as donné comme exemple, introduire des panneaux solaires ou des systèmes de récupération d'eau de pluie. Donc là, tu ne parles pas du tout de procédés organisationnels. C'est quand même qui est technique. D'accord. Je suis d'accord. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est ça. Alors, peut-être que j'ai trop vite allé au procédé. Je voulais dire de nouvelles activités, pour un changement d'activité. Quelque part, des activités pour réaliser des objectifs, ça passe par des procédés quand même matériels, enfin, à un moment donné, enfin des procédés, des procédures, des solutions. Enfin, je ne sais pas si c'est des procédés ou des solutions, mais quelque part. Il faut bien que, quand même, un éco-quartier, il se caractérise par le fait qu'on met en œuvre de nouvelles solutions. Donc, je ne sais pas où ça va. Mais moi, je le mettais plutôt sur l'activité qu'ailleurs, cette question. Mais il faut peut-être un effet Fabrel, distinguer de façon ou d'une autre aussi des processus techniques, procédés techniques, et puis des procédés plus organisationnels. Il développe des activités, des acteurs, et c'est à la fois des choses concrètes pour conduire, pour construire. Un système d'eau de pluie plus performante et à la fois aussi créer des scènes de négociation et ils vont essayer de. Oui, par exemple, l'évaluation environnementale, urbanistique, l'urbanisation environnementale. Par exemple, c'est de l'activité ou des procédés organisationnels. On revoit le. Je retire ma récupération des eaux de pluie, je l'enlève, c'est souvent trop piste. Je l'enlève, mais de toute façon, ça reste quand même la question. Est-ce que l'innovation est dans le procédé organisationnel, dans l'activité ou dans l'objectif? Et là, je ne suis pas tout à fait sûr, je suis complètement en disant les nouveaux procédés, les nouvelles activités, ça met en tension. En effet, maintenant, il faut intégrer, par exemple, une réflexion sur l'orientation des bâtiments. Dans le sens, c'est une mise en œuvre au niveau technique. On va être plus désorienté nord-sud, plus est-ouest, parce que maintenant, l'environnemental, c'est plus important. C'est dans le sens d'un nouveau. Enfin, peut-être que ça ressemble à ton nouveau procédé. En même temps, ça nécessite que plus tôt dans le projet, on se met en contact l'architecte, le promoteur et l'aménageur pour qu'il y ait un tramplier qui rend possible cette nouvelle orientation. Donc, il faut aussi organiser, pour ce faire, il faut aussi réorganiser le processus. Je crois que le processus, c'était les boucles. Mm. Le processus organisationnel, c'était la boucle. Et les activités, pour moi, c'était des choses assez modulaires. Je suis comme ça que j'avais ton schéma, et c'est pour ça. Parce que du coup, ce que tu dis là, c'est tout simplement que pour réaliser des objectifs concrets, il faut avoir un processus plus itératif. En fait, le schéma, il est pensé un peu comme ça, parce que l'idée, c'est arriver à l'acteur des deux activités très concrètes pour mettre les tons. Et pour réaliser ça, il faut aussi repenser la structure dans laquelle ça a lieu. Donc, il faut penser au détail du projet, aux procédures, ou ce qui change, en effet, la relation des acteurs entre les acteurs. Plus de pouvoir à l'un ou à l'autre, qui a des gros. Ma lecture du schéma était plutôt, je pense, plus proche de ce que tu faisais. Et Et c'est vrai aussi que l'activité, bref, il faut l'expliquer le schéma peut-être. Oui, parce que si activité, c'est dire. Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, promotion, segment d'une activité fonctionnelle, c'est sûr, c'est autre chose que ce que je raconte. Parce qu'en effet, les activités, c'est nouveau c'est ce système de gestion d'eau de pluie, quand ça nécessite de faire un concours introduirable, pour réaliser, si ça nécessite d'agir autrement, donc il en résulte une changement aussi d'organisation. C'est une prochaine phase en itération. Et c'est toujours la question de. Et c'est justement ce que dit Giddens, l'idée de structuration, c'est toujours de couler l'œuf. Est-ce qu'il faut créer la procédure qui permet de réaliser la solution technique, parce que c'est une solution, nouvelle solution technique qui fait qu'il faut revoir la procédure. C'est ça un peu le problème de ces cadres théoriques qui est très. De cette notion de cette façon d'aborder les choses qui est sans doute très vraie, ça se passe comme ça dans la réalité, mais qui est très difficile qui a un fond de valeur analytique, mais prescriptif et un peu plus physique. C'est tellement vrai qu'on ne peut pas l'utiliser pour la recherche. Voilà, c'est pas suffisant, c'est une cicatrice pour pouvoir approcher les choses. Pour moi, c'était ça, mais c'est vrai que ça va plus loin, parce qu'en effet, c'est aussi au cœur du projet, quand il y a un autre acteur qui arrive, qui a d'autres. Mon idée, c'était un peu ça, dans le contexte, il y a des données qui changent, qui font que les acteurs ont changé leur objectif, vont s'adapter. Mais c'est trop simpliste. En fait, il faudrait pouvoir à la fois garder cette idée qu'il y a bien une perturbation du contexte par l'arrivée de nouvelles exigences. Soit réglementaire ou autre, mais du coup ça a une implication dans tout le processus. Il faut distinguer ce qui est en quelque sorte en place et ce qui vient comme nouveauté. Justement, et là on retombe sur l'ambiguïté, qu'est-ce qui est nouveauté, qu'est-ce qui est apprentissage lié à cette nouveauté, Est-ce que si c'était si simple que ça, faire un changement de contexte qui soit intelligemment interprété par les acteurs, on n'aurait pas les écoquartiers qu'on a, c'est-à-dire par exemple de l'orientation nord-sud dans les écoquartiers en plein milieu de la France ou en Italie du Sud, ce qui est totalement débile. Parce que ça va pour l'Europe du Nord, oui, pour optimiser avec l'ensoleillement de l'Europe du Nord, l'orientation nord-sud, ça a du sens. Mais dans la ville méditerranéenne, c'est ouf. Mais c'est ce qu'on fait. Donc ça veut dire que l'innovation, elle arrive par le procédé technique. Ouais, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait la négocier à l'endroit de la France. Voilà, ou tout simplement parce que l'innovation, elle va arriver par le... Voilà, par le c'est classique, quoi. Parce qu'effectivement, c'est une norme ou c'est quelque chose qu'on va limiter. Parce que justement, l'acteur qui porte, c'est pas toi, c'est... Donc, voilà, ça me paraît assez important de savoir par où ça rentre, quoi. Parce que je pense que ça ne crée pas les mêmes tensions par où ça rentre. Mais c'est une hypothèse. Oui, mais ça peut permettre justement de faire le lien aussi entre ça et puis les questions d'apprentissage. Ça peut être précisé. Ben, en fait, tu as des relations. Ce qui est intéressant, c'est l'apprentissage, il est censé travailler sur tes relations. Changer la relation acteur-activité, changer la relation activité-structure. Changer la relation structure-position, etc. Oui, c'est là que ça. Donc, et les relations agissent sur les mêmes flèches, finalement. Voilà, et donc il y a tension, et ensuite, il y a à la suite de la tension, il y a apprentissage ou pas. Ouais. Tu vois, ça peut fonctionner comme ça. Ouais. Et la question que je me pose encore par rapport à ça, c'est que là, ça permet d'aborder cette question d'apprentissage au sein du projet, un projet, comment faire la traduction, et ça devient peut-être la question tout à l'heure du contexte géographique dans lequel ça a lieu, comment après faire le lien entre ce projet, au cours du projet, les choses ont été mises sous tension, ils ont été élus, enfin, mais après comment ça se traduit vers la ville, quoi, Mais moi j'aurais tendance à dire que, en prenant un petit peu de recul par rapport à ce débat, dans ta présentation, tu nous as présenté ce schéma comme une sorte de synthèse de la théorie, enfin, Giddens, etc. Et ensuite, tu nous as parlé des apprentissages. C'est-à-dire qu'en fait, le schéma, il n'est pas encore... il n'intègre pas précisément la modélisation de l'apprentissage. Et c'est vrai qu'on se focalise là-dessus parce que c'est ce que tu nous as ensuite présenté qui est le plus intéressant et qui ne rentre pas bien dans ce schéma. Et aussi parce que ce schéma, il est précisément basé sur une seule échelle, alors que toi, ce qui t'intéresse, c'est les mécanismes d'apprentissage, non pas simplement dans le projet, mais d'une expérience, innovation, etc., à un contexte plus large et plus banal. Et c'est aussi pour ça que ça ne fonctionne pas tout à fait, parce que ce n'est pas le projet, là. Tu vois, l'unité d'analyse, ce n'est pas le projet. Il faut articuler les deux échelles. Il faut qu'on arrive à trouver moyen d'articuler les échelles du projet avec l'échelle de la vie. C'est pour ça que la question de l'activité est importante. Parce que ce que posent naturellement, notamment les acteurs techniques ou les acteurs professionnels, c'est comment je fais pour réaliser l'objectif d'une échelle à une autre. C'est-à-dire comment je fais pour passer d'un dispositif qui est un dispositif que je peux financer parce que je suis dans un cadre d'une opération exemplaire et donc je peux y mettre les moyens, etc., à un dispositif que je vais pouvoir générer de façon habituelle dans la façon de concevoir la voirie ou la façon de délivrer les permis de construire. Parce que c'est ça. Voilà. Donc, ça va poser la question de l'économie de l'activité, en quelque sorte. Enfin, tu vois, de l'économie et la... pas d'économie purement du coût, mais ce que je veux dire par là, de la façon dont on peut... alors que ça peut passer par pas mal de façons de faire, mais parce que ces questions-là, on se les était pas mal posées dans les appels d'offres services urbains des années 80, puisqu'il y avait beaucoup d'innovations. C'est à l'époque où on innovait le tri des déchets, c'est à l'époque où on innovait les services publics innovants dans plein de domaines, etc. Et c'était quand même des questions qui ont été posées, que les villes se sont posées beaucoup à ce moment-là. De même, la politique de la ville, c'était une grande question, la politique de la ville, à un moment donné. L'ambition de la politique de la ville dans ce nombre de villes, c'était de dire, je vais faire de la politique de la ville partout. Ce que je suis en train d'innover, c'est-à-dire le partenariat des différents acteurs, la transversalité, une certaine conception intégrée de la gestion urbaine, il faut, et tu as eu 2-3 colloques là-dessus, quoi, comment passer à l'échelle de la ville, faire en sorte que... D'une certaine manière, la question elle est assez classique, quoi, ce point de vue-là. Donc, bon, maintenant, pour la réponse. pense, mais peut-être faudrait un peu revisiter, voir s'il n'y a pas quelques témoins de cette époque-là, ouais. Des gens qui ont pu travailler là-dessus, qui pourraient raconter comment ils se posaient ces questions-là. Ça tournait beaucoup autour de la question de l'apprentissage, quand même. C'était ça la question, c'est comment faire en sorte que une nouvelle culture technique locale se diffuse. Autour de la question de la culture technique locale, il y a eu beaucoup d'interrogations de ce type-là, chez Dominique Lorrain, Barthélémy. Moi j'étais là-dedans, si tu veux, dans les années 80, on va dire. Je pense qu'on doit encore retrouver des traces de ça dans des numéros des annales. Mmh. Ouais, donc ça serait quelque chose à creuser si ça marche dans la première phase ouais. De la recherche. Quoi, pour aller voir. Mais justement, le défi, puisque c'était ta proposition de fournir ces éléments. Peut-être deux, trois, puis j'ai commis deux articles dans lesquels je compare la justification territoriale par le quartier exemplaire. Justification territoriale des réseaux, les trucs sur les zonages, j'ai deux articles qui se ressemblent beaucoup d'ailleurs parce que j'ai beaucoup pris l'un après l'autre. Je compare ce type de démarche et le problème de la généralisation avec d'autres types de démarches pour que les mettre au. Les ressortir des cartons d'archives aussi. Ouais. Il y a un article aussi de Jean-Marc Hoffner et de plein d'autres. Vous avez peut-être écrit aussi cet article, le résultat de la recherche urbaine sur le génie urbain et sur. Les questions qui se posaient visaient référence à un rapport de recherche visiblement de ces années-là sur les services urbains. C'était sur le génie urbain ou c'était sur le génie urbain ouais. Je ne suis pas sûr qu'il y avait Jean-Marc dedans. Il y avait depuis. Bah, peut-être, oui. Il faut dire. Ouais. On se posait ces questions-là, mais on n'y avait pas bien répondu. Il y a aussi Jean-Marc Hoffner qui a écrit un article. Sur l'innovation locale héroïque, qui est sur l'innovation en matière d'urbanisme, en quelque sorte, qui n'est pas inintéressant, et qui a été publié dans l'ouvrage collectif sur repenser l'aménagement du territoire en 2000 à la data, dans lequel j'ai écrit un article aussi. Peut-être qu'il est. Enfin, je vais essayer de voir si j'en trouve une version numérique. C'est quoi ça? Ça monte à vachement plus longtemps. Là. Ça monte à vachement plus longtemps. Mais ça s'appelle l'innovation héroïque. Voilà. L'innovation des villes. Comment on va faire? Et. Donc, c'est doctorante. C'était à propos des. C'était beaucoup appuyé sur sa thèse, qui était une thèse sur la diffusion de l'innovation des réseaux à haut débit dans les villes. Il se posait aussi des questions de comment se fait la diffusion d'innovation, comment les villes se développent une culture technique locale, de nouvelles technologies qui s'allument au débit Internet. C'est la thèse Joubert. Moi, je suis en train de. Jusqu'où ça, quoi ce que nous on fait finalement est différent de ces genres de questions ou est la même chose, sauf que c'est, dans le sens, je suis le premier à dire que maintenant cette attention accrue pour l'environnement, ça ressemble à l'attention accrue qu'on peut avoir pour autre chose il y a 20 ans, ou qu'en fait c'est le petit processus qui on parle beaucoup de l'urbanisme durable, moi je suis pas sûr, plutôt de l'avis que c'est pas un de l'urbanisme, c'est le glissement de changement graduel, quoi. On peut introduire un nouvel accent, un glissement de focalisation sur autre chose, dans les années 70, un peu social. Pour charger ta marque, si tu veux, il y a l'autre grand moment en matière d'urbanisme, avant les quartiers durables, on s'est posé la question du passage de l'exemplaire au banal, c'est au moment des villes nouvelles. Oui. Parce que dans les villes nouvelles, on a voulu expérimenter des nouvelles façons de faire, de l'architecture urbaine, de l'espace public, etc. Dont l'objectif était aussi de développer une nouvelle culture chez les acteurs de la ville, les architectes, les urbanistes, les promoteurs, etc. Quelque chose qui ensuite allait se développer dans le reste de la production urbaine. Je pense qu'il doit y avoir des choses là-dessus dans le. Tu sais, il y a eu un grand programme d'histoire des villes nouvelles. Et là-dedans, il doit bien y avoir quelqu'un qui a travaillé là-dessus, peut-être Vivienne Claude, peut-être, tu vois, quelqu'un comme ça. Oui. Parce que, c'est important aussi quand on fait de la recherche, de montrer que ces questions-là, effectivement, elles ont été posées à d'autres époques, de donner un petit peu de mise en perspective. Juste, surtout pour les co-quartiers, dont on se rend compte qu'il y a quand même beaucoup de questions qu'ils posent, qui ont déjà été posées précédemment, mais il y a une amnésie, parce que évidemment, c'est le culte de la nouveauté, quoi. Il y a une amnésie même sur les façons de faire, le coup de. L'orientation nord-sud dans les endroits où ce n'est pas du tout adapté. C'est pas le cas. Il y a peut-être un effet d'apprentissage à la grande échelle, mais du coup, on oublie les territoires locales, les effets. Si tu écoutes Jacques Vérette là-dessus, il en a à dire, parce qu'il voit ça tous les jours. Des commandes, il doit faire du pré-projet, des trucs comme ça, ils ont payé des charges, quoi. Enfin, ça, on exige des orientations sur ce sujet. Oui, enfin bon, sur le sujet. C'est pas le cahier des charges. Évidemment, ce qui est intéressant dans Confluence, je reviens à autre chose, c'est que quand même, il y a eu cette phase de production qui est quand même intéressante pour voir ce que ça produit quand on fait. C'est un ton processus, il a été officialisé beaucoup. Là, on a créé un moment particulier qui était la co-élaboration du. Marché de. Avec les. Voilà, avec les. Marché de définition, quoi. Oui, ils ont une marché de définition. Et apparemment, parce que je viens de voir le projet à Gand la semaine dernière, ils vont encore plus loin. C'est un terrain très pollué, c'est une ancienne usine à gaz. Et donc la ville a fait pas mal d'études pour la pollution, pour pas. Ils ont certainement des exigences en termes de. Qu'il faut réaliser, mais qu'ils n'ont pas vraiment. Qu'ils ne sont pas cartographiés. Ils n'ont pas émis de programme, ils ont juste dit qu'il faut aussi mettre des normes en termes de quantité d'espace vert par logement, puis la façon dont ce sera traité à faire l'objet, si je veux dire, sur ça. Après, ils ont mis tout ça ensemble. Et puis, ils font déjà, c'est à ce moment-là qu'ils font leur appel d'offres à l'opérateur qui doit à la fois prendre en charge la dévolution, qui peut proposer son programme, qui peut aussi voir où c'est le plus pollué pour ajuster les endroits où il va mettre les logements par rapport au niveau des pollutions nécessaires et tout ça, mais qui peut optimiser le projet complètement, du tout début finalement, jusqu'à la fin, quoi. Il fait à la fois le plan de masse, et ça, il y a d'autres démarches comme ça qui ont été faites, où on arrive, enfin, dans la pratique, si la collectivité arrive à donner des bons cadres, c'est ces genres de démarches-là qui semblent conduire à des projets plus aboutis en termes de mobilité, parce que ça oblige à réfléchir en une fois à d'intégrer toutes les phases du projet finalement. On ne peut pas les découper, ça semble marcher mieux. Donc on a fait ça à la Confluence un petit peu, ça peut encore aller plus loin. Et puis en effet, il semble que ça va, pour les éco-quartiers, c'est une démarche plutôt positive. La question c'est comment, si ça c'est quelque chose qu'on, faut voir, faut que ça s'avère et tout, mais si ça c'est quelque chose qu'on apprend des éco-quartiers, comment on traduit ça en procédure, Mais à ton avis, est-ce que ça marche pour les éco-quartiers ou est-ce que ça marche pas de manière générale? Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu minimises les risques. Non, tu minimises pas les risques, tu donnes la possibilité, oui, dans le sens que tu minimises, ouais. Tu donnes plus de possibilités d'ajuster, tu minimises le risque pour la collectivité, dans le sens que tu crées, parce que minimiser les risques, c'est créer des certitudes, et finalement, dans un processus comme ça, tu ne crées pas tellement de certitudes, parce que ça peut aborder dans tous les sens, la forme que ça va prendre. Ouais. Je ne suis pas sûr que c'est... Mais en même temps... Je suis assez sûr, oui, que ça permet. Ça minimise certains risques, quand même. Pas tous, mais. Bah, des risques, qu'on voit. Tu minimises quand même un certain nombre de risques qui sont des risques de. Enfin, je veux dire, de. Qui sont liés, si tu veux, au fait que c'est trop séquencé, quoi. Ouais. Ouais. Des risques. Si on a un programme, si la collectivité vient avec un programme trop déterminé, il n'y aura pas de. Tu vois, c'est le risque de commercialisation, que je pourrais dire. Enfin, il n'a pas trouvé. Quand c'est trop déterminé, qu'on n'a pas le marché change. Mais voilà, sur ce que ça, on n'a rien pu faire. c'est des trucs qu'on a trouvé une flexibilité quoi, dans mais surtout, moi, ce qui est presque plus important, c'est qu'on exploite mieux les connaissances de chacun dans ces cas. C'est plutôt ça qui. Sans plus important, mais du coup, oui, j'ai l'impression qu'en effet, c'est, de façon générale, ça produit un meilleur projet quand on arrive à plus en amont de voir un certain nombre de choses, de mettre autour de la table à la fois les promoteurs, les constructeurs, les concepteurs, les aménageurs, les collectivités. Une question que je me posais aussi, c'est est-ce que c'est pas en train de se. Quartier, par exemple, enfin, c'est une logique intégrée, on va dire. Parce que c'est pas en train de redonner un sacré coup de jeune à la ZAC. Parce que somme toute, ça lui redonne. C'est les ZAC privés, ce qu'on fait à Gand, c'est les ZAC privés. Enfin, en France, ce serait une ZAC, ce qu'on appelle autrement ZAC privé. C'est, oui, on a un cahier des charges, on cherche un opérateur, et puis un des icônes pour quelque chose. Mais quand on pense bien, oui, oui, on donne un coup de jeune à la ZAC. On a la procédure existe en France, finalement. Sauf qu'on n'a peut-être pas la capacité technique au niveau des collectivités de l'utiliser à d'en tirer toutes les possibilités. Donc l'apprentissage est là-dessus, en partie aussi. Donc, comment si on revoit la procédure, comment il faut négocier avec les opérateurs privés, comme la production de la ville est toujours dans l'état actuel, coproduction. À partir de cette idée-là, je pense, d'être dans cet état de coproduction publique privée, en France, on n'a pas trop encore conçu comme ça, où on n'arrive pas bien à faire une vraie coproduction. On prend chacun un bout de produit. On sait bien qu'il n'y a pas un acteur tout seul qui peut produire un nouveau quartier. Mais tout le monde a son bout à faire, parce qu'on arrive. Et dans certains autres projets, ce qu'on doit faire, c'est-à-dire, du coup, on va vraiment faire une coproduction. On va se mettre d'accord, on va se mettre autour de la table. Et ça, on commence à le faire, on le fait à Confluence, on le fait dans un certain nombre de quartiers à l'île des Nantes aussi. On a un contrôle en France, mais bon, là, on sent un peu de sujet là. On avait toujours sur l'héritage de la culture technique d'aménagement et des CET et des réseaux SEM qui savaient comment faire et une période où le secteur public avait la capacité juridique, technique, financière de produire la ville. Ce qui fait que les questions d'aménagement, c'est des questions de quel est le meilleur plan du point de vue technique. Les questions sont si on arrive à concevoir avec le bon niveau de travail de programmation de meilleurs projets, le travail de la mesure est là. C'est ça qu'il va faire. Après la mise en œuvre, ça suit plus ou moins. C'est les promoteurs qui font pas, les moteurs de travaux qui font pas. Oui, voilà, qui font, mais ça va suivre. Et au fait, on se rend de plus en plus compte que ça ne se passe pas vraiment comme ça. Et que toute cette mise en œuvre, c'est un problème en soi, mais il n'est pas problématisé. Il ne faut pas très problématiser. Ici. Okay, il faut un peu plus en séparer, de moins en moins séparer cette phase de conception et de mise en œuvre. Et ça, on lentement, avec la destruction des implantations et tout ça, on se rend compte, enfin, les acteurs de terrain, on s'en rend bien compte. Et nous, les chercheurs, il faut qu'on suive aussi, qu'on n'est pas tout à fait sur ces. Enfin, on n'a pas encore beaucoup étudié ça. Voir le projet, pas comme une tournée d'hier. Quand tu vas dire, j'ai fait des études, voir un projet urbain, pas comme une sorte de chose d'hier, où je phase, mais comme un projet à du moment où on commence à penser sur l'initialisation, sa conception, la mise en œuvre et la conception ils sont complètement intégrés, quoi, parce qu'on fait la conception avec les acteurs qui vont mettre en œuvre. En même temps, on ne peut pas concevoir le plan sans penser à sa mise en œuvre. Et ça, je pense que là, ce qu'on veut faire ici, c'est interroger justement ça. Cette production de la ville et qui est à la fois l'histoire de réussir à quelle est la meilleure solution et une organisation qu'il faut faire travailler ensemble. Je pense que la logique de label aurait du sens si on labellisait au bout de 50 ans. On pourrait commencer à labelliser des projets urbains des 50 ans. Voilà. Vu comment les champs bougent en ce moment, mais je ne crois pas qu'il y a bien. Mais si ça t'en va d'avoir des charges, par contre, ça. Oui, ça, tout à fait, ça m'intéresse. Comment il définit, enfin, quelle est leur définition alors de la. C'est assez intéressant d'ailleurs parce que c'est vrai que l'appel d'offres au quartier fait très peu de choses sur les questions de mobilité. Ah, bien. Il y a les quatre meilleurs jeunes par Paris qui sont complètement en dehors des coûts. Et le social, c'est quoi? J'ai mixité au moment donné, je pense que tu m'en oui. Moi, j'ai. C'est une forme de labellisé aussi, du concours, de genre concours et oui. Avec des critères. Oui, tout à fait, oui. Oui, tout à fait. Les palmarès qui fait. Palmarès, c'est pas tout à fait la même chose. C'est labellisé a priori et pas a posteriori. C'est pas labellisé, c'est dire. Il y a des démarches qu'on encourage, ouais. Mais on labellise pas. C'est effectivement plus. Pour une fois, c'est l'État n'a pas fait un truc trop con. C'est vrai que c'est très bien. Par contre, ils sont palmarésisés, large, quoi. Ouais, et apparemment, c'est pas. Pas non, normalement, c'était pas pour palmariser d'ailleurs. Au début, c'était pour faire reconnaître. Ouais. Et faire travailler ensemble. Mais il y a ça qui existe toujours, et c'est ça qui est le plus intéressant de faire. Pas mal, apparemment, ça a été fait. Bon, il y a des intérêts politiques et tout. Enfin, après, il y a les gagneurs étaient là, mais on a vu qu'il n'y avait pas fil de droite dedans, mais il y avait fil de droite aussi. Il y a créé des catégories, il y a des trucs. Bref, c'est pas mal, c'est une chose qui vaut. Et c'est surtout les démarches à côté qui fait qu'on a mis un réseau. C'est vraiment pas une question de la lettre, c'est une question en fait de réinvention de l'action de l'État actuellement. Moi j'en ai parlé avec le responsable de l'appel d'offres Écocité, qui était parallèle, qui était plutôt sur une démarche plus globale. Pas inintéressant d'ailleurs d'aller voir aussi un peu Écocité, parce que justement l'objectif c'est de dire c'est des choses plus diffuses à l'échelle des agglomérations, etc. Si on veut faire le lien. Ouais. Et en gros, ils disent, ben voilà, en fait, notre objectif, alors, c'est l'état décomplexé, c'est comme ça qu'ils se présentent. C'est, alors, le gars, c'est l'expression même de l'état décomplexé. C'est un jeune ingénieur des ponts et chaussées, un second totalement décomplexé, donc, superbe tenue de jet-setter, un peu archi, tout ça, enfin, trois jours, trois jours, des cheveux qui ondule, très beau gars, très sympa, et t'as décomplexé. Tu es sur le côté, il y avait des usagères des ponts d'autres générations, là, s'en foutir, comme ça. Fait Roll Tanguy, le vieux Coco, je veux dire, c'est pas une femme blanche. Et donc il dit, ben voilà, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne voilà, les villes dans leur démarche, et en même temps, on va inventer de la norme en les accompagnant. En gros, finalement, ils vont nous donner des... On n'a pas les moyens, on n'a plus les moyens, c'est du crypte, on n'a plus les moyens de faire des normes, etc. Donc, on va demander aux villes de faire le boulot, et puis à partir du boulot que font les villes, on va inventer de la norme, on va, voilà, et on va faire la politique de l'État en fonction de ça. Et en plus, on donne un petit peu d'argent, mais on donne une peanuts, et en fait, on reconnaît des villes qui ont toujours besoin de reconnaissance, on leur reconnaît quelque chose, on les met dans un dispositif. Et ça ne coûte rien. Et en fait, on va en profiter pour. Faire exactement comme ça, mais en fait, c'était le sens du message. Et éco-quartier, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, c'est l'état animateur. Pour ça, je pensais à la politique de la ville. Enfin, ça rappelle l'état animateur d'Estève et d'Onzelot, de 1999, dans lequel Estève et d'Onzelot racontent la nouvelle posture de l'état dans la politique de la ville. Où il n'y a plus moyen d'être l'État administrateur, l'État aménageur, etc., mais l'État animateur de dispositifs locaux. En fait, on fait avec des éco-quartiers quelque chose qui est très proche, à mon avis, de ce qui s'est fait à une certaine époque dans la politique de la ville. Moi, ça me fait penser à la possibilité d'expérimentation avec des collectivités locales, qui était je pense, la réforme de la décentralisation. Je ne sais pas trop ce qu'il y avait derrière, mais en termes de gouvernement, enfin de pilotage, ça rejoint. C'est pas passé quoi. Ah, c'est pas passé? Ah non, pas du tout. Justement, c'est pas passé et c'est justement pour ça que. Parce que l'État ne veut pas lâcher ça. C'est-à-dire la loi. Là, on aurait changé, complètement basculé dans un autre univers si on avait autorisé le droit d'expérimentation légale, c'est ça. Et ça, effectivement, c'est pas passé en France. Alors qu'effectivement, ça existe ailleurs. Comment ça, c'est pas passé? Il n'y a pas de droit d'expérimentation légale. Les collectivités territoriales, ça faisait surtout les régions, hein, n'ont pas le droit d'interpréter à leur manière des textes législatifs pour créer de nouveaux cadres normatifs. C'est ça qui était prévu dans la loi Farm. Mais c'est pas passé. D'accord. De même que le chef de FILA, il y avait deux innovations qui sont pas passées. L'expérimentation locale, donc le TOF, à la marge, de légiférer, mais vraiment à la marge, si tu veux, donc ça c'était pas possible dans le pays. Alors, ça existe dans les pays généraux, par exemple, bien sûr, par définition. Et l'autre, c'était le chef de FILA, c'est-à-dire c'était pour sortir de l'impasse de la décentralisation, qui disait que tu avais des compétences spécifiques, bah, tu vois, non partagées, et donc de dire, bah, mais qui en même temps était partagé dans les têtes, de dire sur telle compétence, sur un chef de FILA. Et c'est lui qui va organiser la politique, par exemple, en matière de logement, le chef de file seront les agglomérations et les départements, les régions, voire même voilà. Dans l'État, c'était pas vraiment concerné. C'était surtout entre les différentes collectivités locales. Et ces deux choses-là, elles n'ont même pas été reprises par Paladur. On est là quand même sur des limites. Ce qui fait aussi que c'est. Par exemple, on n'a pas le droit, tu peux pas. Tu peux toujours pas vraiment bricoler à Lyon ton propre dispositif de récupération de pluie en dehors de ce qui est. Alors, par exemple, tu n'as pas le droit de dire à Lyon on va utiliser l'eau de pluie pour les toilettes. Mais il y a des problèmes sanitaires encore. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Voilà. Tu ne peux pas déroger à ça. Mm-hmm. Tu ne peux pas faire d'expérience. Alors c'est vrai que c'est des domaines qui sont, nous, du point de vue légal, sur lesquels il y a plus de marge de manœuvre. Puis il y en a d'autres, vous ne savez pas. Et l'environnemental, c'est rarement nous. Enfin, non, parce qu'il y a beaucoup réglementé là-dessus. Donc les règles existent. Et ça, pour revenir sur l'apprentissage et surtout la façon dont ça. Ces projets, ça limite finalement de. Ça limite la possibilité de. Déjà, ça limite. l'ampleur des expériments qu'on peut faire, des quartiers exemplaires qu'on peut faire, et puis ça peut être aussi de la façon dont ça peut être mis par la suite, parce que on est quand même dans un contexte assez réglementé, dans la production de la vie, donc on peut faire ce qu'on veut. L'exemple de Gros Bachelot sur la pollution des sols, c'est un cas qui, tout le monde trouve qu'il est nul, mais qui est vachement très bien pour. Pour réagir sur identifier des axes porteurs, qu'est-ce qui fait lien avec nos travaux, etc. Moi, dans mon travail, j'interroge cette question de l'innovation aussi, mais pas avec la même entrée, en fait. Donc, je travaille sur les politiques de mobilité et la manière dont elles prennent en compte l'enjeu social d'accès à la mobilité au regard d'autres enjeux, d'autres piliers, on va dire, développement durable, que sont l'environnement, ou encore spécifiquement par rapport aux politiques de transport, la nécessaire adaptation des transports collectifs et du service public par rapport à l'individualisation des pratiques de mobilité, etc. Et donc je regarde un peu comment tout ça s'est mis en tension, notamment à partir de l'enjeu social. Et donc par rapport à ça, je ne m'interroge pas par où passe l'innovation, mais plutôt où est-ce qu'elle est en fait. Et est-ce qu'il y en a? Voilà. Mais donc, du coup, je n'ai pas encore de cadre d'analyse précis par rapport à cette question de l'innovation, mais j'y travaille. Sur l'innovation, c'est vrai que je n'ai pas connu ça, mais il y a pas mal de travail sur. Du coup, ça peut être intéressant de travailler sur ce qu'on appelle l'innovation de système. La façon dont on arrive d'aller au-delà de. Ça rejoint un peu ces idées de double boucle où on arrive à aller au-delà, avec l'innovation, aller au-delà de juste changer les stratégies d'action. Mais innover le système, innover plus à la ronde les structures qui produisent des actions. Il y a une littérature là-dessus que je pourrais trouver. On a beaucoup parlé aux Pays-Bas parce qu'en lien avec le type d'usage des sols. Maintenant, on dit qu'on a aux Pays-Bas beaucoup de place, donc il faut trouver les moyens d'utiliser, de faire ce type d'usage des sols, parce qu'à la fois, ça peut être physique, utiliser le même bâtiment pour différentes choses, utiliser plusieurs niveaux, temporel aussi, et ça nécessitait aussi, dans l'état actuel des choses, c'est très difficile, parce que dans une destination à l'événement, on a du mal à créer ce petit usage du sol, donc ça nécessitait une innovation du système, justement, qui produisait l'espace. Donc il y a eu tout un tas de réflexions autour de ça. Sauf s'il y a d'autres réactions qui sont tout à fait bienvenues par rapport à ce qu'a dit Roulof et pour faire le lien avec vos travaux. Mais sinon, s'il n'y a pas de réaction, ça, moi, je voudrais revenir sur le dispositif un peu pratique de capitalisation, ce que tu évoquais tout à l'heure, en jetant une ou deux autres idées. Tout d'abord, je ne sais pas si certains d'entre vous utilisent le logiciel Zotero. Qui est un petit logiciel de référence bibliographique, de gestion des références bibliographiques, un peu l'équivalent d'un note, mais par rapport à un note, il a, outre le sa gratuité, comme avantage, d'être. Je ne sais pas sur Mac. Si. Sur Mozilla. Ah bon, bien sûr. Moi, je l'ai installé sur Mozilla. Oui, mais pas sur Safari. Ah non, ça ne marche pas sur Safari, ça marche sur Firefox. Et alors, un des gros intérêts, c'est précisément de partager ses bibliographies. On peut créer une bibliographie partagée qui peut être alimentée facilement par chacun et le tout est renvoyé en fait à un serveur et auquel chaque fois qu'on se connecte, on a une mise à jour des données. C'est surtout utile parce que ça permet la mise en commun des références qui sont on peut joindre éventuellement PDF quand on qu'on a. On peut aussi joindre une fiche de lecture ou une note sur le document qui permet donc de compléter la réponse. Donc c'est un outil de travail partagé qu'on peut envisager d'utiliser ensemble là pour aller dans le sens de la capitalisation que tu envisageais. Donc si ça vous intéresse, moi je peux créer le compte partagé, quoi, ça c'est pas très difficile, puis surtout ensuite vous envoyez un petit message pour vous indiquer comment faire hein, pour l'utiliser, pour le mettre en œuvre. Ça permet aussi parce que bon, si on pense à vos plateformes qu'on voudrait utiliser, ça permet aussi de mettre par exemple des PowerPoint, des choses comme ça. Alors, tout à fait, ça le permet. Alors l'autre truc que je voulais proposer, c'est ce que tu disais à l'instant, c'est de créer un système de blog. Bon, il faut que je réfléchisse si c'est plutôt un blog ou une sorte de site web collaboratif qu'il faut faire, qui permet aussi d'avoir accès aux documents et puis même de les regarder en ligne sans avoir besoin de télécharger. Enfin, il y a des interfaces de visualisation qui sont faciles. Ça, c'est l'aspect cuisine. Je vais regarder ce qui est le plus simple pour notre type de travail et l'idée que chacun puisse ajouter. Mais Zotero, à la base, pour partager des références et des commentaires sur les références, vous ferez une page. Zotero. Alors, et ça suppose par contre d'utiliser Firefox comme... enfin, on n'est pas obligé de l'utiliser pour tout ce qu'on fait, mais il faut l'avoir, parce que ça marche aussi. Mozilla. Deuxièmement, et là, c'est un petit peu votre échange à l'instant sur quelle référence utiliser... Qui me fait penser, et puis en même temps, c'est aussi les récentes recensions qu'ont fait Julia et Cécile pour GeoCarrefour. Hein. Bon, j'avais en passant sollicité, je les avais sollicités pour faire des notes de lecture, donc en l'occurrence sur le bouquin de Tao Fixuami d'autre part sur l'exposition Ville rêvée, ville durable. Bon, et l'exercice de compte-rendu est à la fois très normé, etc. Mais en même temps, il a le mérite de proposer une analyse du contenu et de proposer même éventuellement une mise en perspective, plus ou moins critique. C'est en particulier ce qu'a fait Cécile, mais un petit peu aussi Julia. Donc, je crois que ça peut être un outil intéressant. Alors, je le propose d'autant plus volontiers que, comme je m'occupe, c'est moi qui gère les comptes-rendus à GeoCarrefour, je peux... aussi, s'il y a des ouvrages qui paraissent, des ouvrages récents, les demander, et puis c'est une manière de contribuer. Enfin, ben, Roloff, en fait, tu l'as fait, mais pas spécialement sur le développement durable, mais tu dois le faire encore. Mais bon, je pense que c'est aussi une manière de partager des choses d'une manière plus complète, hein, plus ponctuelle, on est moins sur son propre projet de recherche, mais c'est une manière d'alimenter aussi les choses. Hein, donc, ça peut constituer dans nos futures réunions aussi, une fois qu'une recension a été faite, et avant même d'ailleurs qu'elle soit mise sur le carrefour, qu'elle soit circulée entre nous, éventuellement enrichie, amendée, et puis qu'elle fasse l'objet d'une rédaction finale. Ça peut donc être une autre manière de valoriser nos travaux et nos échanges. Hein, mais ça suppose de votre part aussi des initiatives, des demandes. Si on a un livre qui apparaît, on peut solliciter pour dire est-ce que toi tu peux viager vers vous. Voilà, exactement. Bon, et puis à la limite, ça peut aussi être acheté sur un contrat de recherche. Mais ce que je veux dire, c'est que l'idée qu'il y ait une valorisation derrière peut être aussi un peu un stimulant, un plus pour aller plus loin dans la formalisation d'une note de lecture. Donc, je crois que c'est peut-être un point qu'on peut changer. Alors, sinon, aussi, en termes d'organisation, là, on est peut-être un peu vers la fin de cette première séance. Je voudrais revenir sur le calendrier des précédentes séances et peut-être qu'on se mette d'accord, si on peut, sur les séances finales, puisque donc là, il y avait comme prévu. Donc pour l'instant, j'avais envoyé à certains d'entre vous, peut-être pas à tous, le mail suivant, indiquant que la prochaine séance, c'était le 5 mars, où moi je présenterai les projets sur lesquels je suis engagé en ce moment, donc, le 5 mars à 14h. Ensuite, on avait prévu le 2 avril, où Laurence et Julia présenteraient des travaux sur, j'ai appelé ça les politiques climatiques, mais bon, vous définirez beaucoup plus précisément, vous mettrez les étiquettes que vous voulez, bien sûr. Et ce qui serait intéressant, donc, c'est le côté mise en parallèle de vos deux travaux. Ce sera sans doute une séance qui durera un peu plus longtemps, mais qui permettra de croiser un peu les regards. Et puis, j'avais identifié deux séances dont le contenu... deux séances dont le contenu devrait être défini, nous, une séance le 7 mai, une séance le 4 juin. Voilà. Alors, c'est un peu en fonction de chacun. Je sais que Philippe Chaudoir avait indiqué qu'à un moment donné, il aimerait bien intervenir, mais bon, là, il n'est pas là. Il faudra voir comment il pourrait le faire. Et puis, dans le cadre peut-être d'une action de recherche ou que vous êtes à plusieurs, quelque chose comme ça, je ne sais pas, Franck, je peux tourner un peu à toi. Oui, tout à fait. Le souci, c'est que cette messe est de façon générale colloque apéro, donc je ne suis pas là. Et le 4 juin, tu as dit. Ouais. Aussi, j'ai pris les premières, mais les vendredi. Mais voilà. Bon, à la limite, on peut aussi encore, à ce stade, les comparer pas de contenu. Oui, par contre, le vendredi 14 mai, c'est un pont, donc. Autrement, on serait interpellé en binôme avec Cécile. Et le 4 juin Le 4 juin, je crois bien que je ne suis pas là l'après-midi. Bon, on va trouver d'autres dates. Hein. Ouais. C'est parti, je trouve que. Si on garde. Et sinon, le 30 avril. Alors, le 30 avril, je suis censé. Je suis censé ça doit être jouable parce que c'est une séance B2 de la semaine groupée, mais je dois pouvoir l'intervertir avec B1 avec Philippe. Voilà, c'est au moins Philippe. Bref, c'est une semaine groupée, donc ça n'est pas là. Philippe n'est pas là. Sinon, si on transpose l'idée que ce soit la veille d'un jour férié, ça peut être le mercredi 12 mai. C'est pas Montréal, parce que... Oui, toi tu vis à Montréal, effectivement, oui, tout à fait. Mais moi je pense que je ne pourrais pas y être. Je suis sur la liste des communicants, mais ils ne sont pas les trois pour en venir. Mais bon, il y a toujours une petite... pas possible que je sois à Montréal quand même. Je suis désolé, mais je suis obligé de... Ben, si c'est pour que je cause, voilà, c'est ça que je veux dire. Parce qu'autrement. Et le mois de juin, donc, le 4 juin, tu n'es pas disponible. Et éventuellement, le 11 juin, je ne sais pas. Oui. D'accord. Sur quel thème ? Eh bien. C'est Franck et Cécile, hein. Oui. Les deux, donc c'est mobilité. C'est sur le programme après, on va parler du programme prédit. Ok. Ça peut être le programme prédit et la thèse de Cécile. Hein. Ok, ouais. Donc mobilité et inégalité socio-spatiale, programme de recherche. Mobilité durable et inégalité socio-spatiale, c'est dans le thème. Ouais. Bon, écoute, par ailleurs, je vais voir avec Philippe pour voir si au mois de mai, on peut quand même trouver un jour, ça peut être sans moi, si c'est Philippe, ouais. Je sais pas ce qu'il fait, et vous pouvez garder la date de l'apéro, moi. D'accord, 7 mai. Bon, sachant que il y a au moins Aurélie et Cécile qui candidatent pour être au club de l'apéro, enfin, la journée, c'est au début de semaine, mais je sais pas si c'est le colloque sur le scientifique. Le colloque, c'est sur le scientifique. Si vous voulez rester, oui. Qui sera le 7 mai, non ? Ouais. Ouais, c'est le mercredi, je viens du temps. Le mardi même. Donc cette semaine, elle est un peu chargée. Bon, je vais voir avec Philippe si un des jours du mois de mai, il serait disponible. Non, c'est à Brest. À Brest. Je vais finir au bord de la mer. C'est à Brest. C'est l'an dernier. C'est l'an dernier. c'est pour ça que t'emmènes, tu réponds des trucs où tu sais que ça aurait pu être pire. C'est pas mal. Et t'es sûr que la visite du samedi, c'est une boisson, hein. Ça, c'est sûr. On n'y coupe pas. Donc, il faut garder son week-end. Bah, je pense, oui. En fait, c'est toute la semaine. Bah, voilà, exactement. Je vais éteindre. Parce que...